Les Ulysses, 1987. Lundi 5 mai, Tektronix. Faustine, l'âme en berne, s'annonce à l'accueil. Bonjour, je viens de la part d'Adia pour le CDD. Bonjour, Faustine, c'est ça? Exact. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Vous êtes affectée au SAV, Service après-vente et réparation, avenue du Canada. Je vous suis. Les Ulysses, c'est une ville dans la ville. On y trouve des entreprises, des industries légères, mécaniques de précision, ingénierie, chimie, informatique, à perte de vue. Des hôtels et des restaurants pour des visiteurs de province, de la restauration à emporter et des services de livraison. Vous n'avez pas besoin de quitter votre bureau, on vous apporte votre sandwich au fromage de chèvre pile poil à la bonne température. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Faustine sait tout cela parce que Maxime travaille à la Prana, à deux pas de là, avenue du Québec. Elle connaît le chemin par cœur. Tektronix est situé à deux endroits différents. Le SAV a ses propres bureaux, son atelier et sa cantine. Durant les 6 prochains mois, Faustine y partagera le quotidien d'une demi-douzaine de secrétaires et d'autant de techniciens. Le jour de son arrivée, la réceptionniste la conduit auprès d'une jolie femme rousse, plantureuse et joviale. Sourire jusqu'aux oreilles sous de beaux yeux noisettes, elle serre la main de la nouvelle. « Salut, moi c'est Colette. Je suis chargée de t'expliquer ton boulot. »« Salut Colette, moi c'est Faustine. Je t'écoute. »« Tu verras, la boîte est sympa. On est une chouette équipe. On s'éclate bien. » »« Ravie de l'apprendre. » Voici ton bureau. Tu remplaces Madeleine, partie en congé maternité. Super. Qu'est-ce qu'elle a eu? Une petite fille. Après 3 garçons, elle est ravie. Ouais, je le serais aussi. Bon, chacune d'entre nous est chargée d'un secteur entier. Celui-ci comprend une douzaine de sociétés auxquelles nous avons loué ou vendu du matériel de mesure. C'est-à-dire des oscilloscopes, plus ou moins bien perfectionnés pour l'essentiel, mais aussi des mesureurs de champ, des multimètres, des générateurs, des analyseurs de spectre et toutes sortes d'autres appareils. Tu apprendras vite à les différencier. Bien, et je fais quoi dans tout ça? Comme je te le disais, tu es chargé des révisions, des réétalonnages et des réparations de notre matériel dans toutes les sociétés situées dans ton secteur. Orsay, Vélizy-Villers-Coublay, Massy-Palaiseau. Pour toi, c'est le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, la Thomson, l'armée, les télécoms, entre autres. Les dossiers sont dans ces tiroirs. Ton agenda se trouve ici. Chacun de nos oscilloscopes doit être étalonné une fois par an. Tu charges ce formulaire sur ton programme informatique, tu saisis les données, date, client, service effectué, tu appelles le client pour le prévenir de la date de prise en charge de son appareil, et tu le rapatries. Pareil dans l'autre sens quand le boulot est terminé. C'est vraiment facile. Ceci dit, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Il y a toujours des impondérables. Des pannes, des ventes d'appareils et d'autres qui partent à la casse. Là aussi, tu seras en contact direct avec le technicien qui s'occupe du matos et tu feras le lien avec le client. Pigé ! Bien, je vais m'y mettre tout de suite alors. Bravo, je suis juste en face. Si tu as besoin de quoi, je crie, dit Faustine en riant. Les bureaux des secrétaires sont disposés en rond dans une pièce immense. Pas de paroi de séparation. Chaque poste de travail est pourvu d'un ordinateur pour la saisie des données, d'un tiroir pour les dossiers et d'un téléphone. Les filles sont toutes à portée de vue, tout en étant suffisamment éloignées pour ne pas se gêner quand elles téléphonent. Par contre, elle cause, partage des tuyaux et surtout des blagues. La responsable qui chapeaute tout ça, Marie-Christine, a son bureau dans une pièce attenante. De temps en temps, elle essaye d'organiser une réunion pour motiver les troupes, mais c'est plus un prétexte pour boire un café ensemble qu'autre chose. Faustine voit ça comme une perte de temps. Chacune sait ce qu'elle a à faire. À midi, on se retrouve à la cantine. Oui, parce que le SAV a sa propre cantine. Et en plus, c'est bon. Faustine est conquise. Bonne ambiance, bonne bouffe, Tout cela démarre sous les meilleurs auspices. De vieillard, rajouterait Maxime. Bien vite, elle fait connaissance avec les garçons. Pascal, qui a travaillé longtemps pour la Croix-Rouge et récolté une balle perdue dans l'épaule au cours d'une mission. Philippe, un boursicoteur né, qui sait composer un portefeuille d'actions fictif. Sur le papier, il est multimillionnaire. Il aime expliquer à Faustine comment il s'y prend. Dommage qu'il n'ait pas les moyens de ses ambitions. Serge est l'ours de la bande, mais il faut le comprendre. Il a eu un parcours chaotique, disent les autres. Faustine aime bien travailler avec lui. Grand taiseux, il est sérieux et fiable. La semaine suivante, c'est Catherine qui entre en scène. Une jeune brune pétillante. Elle vient d'avoir une petite fille. Ce lundi, elle rentre de congé maternité. D'entrée, elle annonce la couleur. Bonjour. Désolée d'arriver si tard. Je partirai plus tôt ce soir. Je ne peux pas me permettre d'être en retard deux fois dans la même journée. Faustine éclate de rire. Elle est bien tombée. C'est exactement l'atmosphère qu'il lui fallait pour remettre les pieds sur terre en douceur. Personne ici n'est au courant pour Julien et elle n'a pas l'intention d'en parler. Elle n'a pas le temps non plus. Même si l'ambiance est bonne et qu'on entre dans la bonne saison, mai, juin, juillet, il y a énormément de travail. Un jour, tous les SAV de France, connectés entre eux, se battent pour savoir quel est celui qui va enregistrer la 40 000e entrée. Et c'est Faustine qui attrape le pompon. On arrose ça à la cantine. Simon, un jeune aide cuistot maghrébin, a pris Faustine en amitié. Apparemment, il la trouve trop maigre et tente de la remplumer car il lui double ses portions. De plus, une fois sur deux, il oublie de ramasser son ticket repas. Faustine remercie d'un sourire. Qu'est-ce que ça cache? Il a 10 ans de moins qu'elle, au moins. Plus tard, quand Pascal vient lui coller un petit baiser sur la nuque, arguant qu'il n'a pas résisté à l'appel de ses petits cheveux fous, elle se demande ce qu'ils ont tous. Ce n'est pourtant pas le printemps, si? Mais intérieurement, cela lui fait vraiment du bien de se sentir désirée. Tous les midis ou presque, elle retrouve Marie-Christine, la chef du service. Cette grande brune sympathique, brute de décroffrage, grande gueule et cœur d'or, clame haut et fort. Pourquoi? Mais pourquoi voudrions-nous être les égales des hommes, alors que nous leur sommes tellement supérieurs? Ça n'a pas de sens. Faustine est bien d'accord. Le secret, c'est de le savoir sans le crier sur les toits. Colette ne vient pas souvent à la cantine, surtout quand il fait beau. Colette est mariée et elle aime son mari, mais voilà, elle a un amant. 3 ou 4 fois par semaine, ce dernier la retrouve dans un bosquet des environs. Il reste encore quelques coins de campagne autour des Ulysses, parfait pour les petits pique-niques et les gros câlins. Ces jours-là, Colette revient au bureau en retard, les yeux brillants et les joues roses. Les 3 autres filles de l'équipe sont sympas aussi, sans plus. Faustine adore les débuts de semaine aux Ulysses. Il est rare que les lundis soient si gais dans un boulot. Dès son arrivée, Catherine les fait hurler de rire lorsqu'elle leur raconte son week-end. La pauvre est affublée d'une belle famille incroyablement opportuniste qui ne perd pas une occasion de profiter de sa gentillesse et de sa générosité. Mais la petite maligne déjoue leur tentative d'abus avec un humour et une intelligence dignes d'une comédie de boulevard. Le week-end de l'Ascension, Maxime a décidé d'offrir une grande fête de la musique à Saint-Rémy. On invitera tous les voisins et on installera l'orchestre, batterie, basse, guitare et clarinette, dehors. Pendant 15 jours, Faustine prépare le buffet. Elle est dans son élément. Tous les soirs en rentrant du boulot, en général à 17 h, elle prépare ses bases. Pour commencer, des pâtes à gâteau ou à pâté. Ensuite, des farces. Elle prévoit des pâtés en croûte de toutes sortes, des petits pains fourrés, viande ou légumes, des croissants au jambon. Toujours obsédée par la crainte de manquer, elle confectionne également une 12aine de pizzas et des montagnes de profiteroles. Tarte au sucre, tatin, tourte aux noisettes et cakes divers compléteront le dessert. Le jour dit, il fait un temps superbe, 40 personnes s'entassent dans le jardin pour écouter l'orchestre. Depuis Mireille jusqu'à Sylvie, en passant par les femmes des musiciens et les voisins. La fête est réussie. Levée depuis 5 heures, Faustine court partout, remplissant les plats, coupant les pâtés, changeant verres et assiettes, vidant les cendriers. Une fois de plus, elle accomplit des prodiges. Que ne ferait-elle pas pour se sentir exister? Le week-end suivant, il est temps de descendre la berline à Saint-Junien et de remonter la décapotable, en pensant chez la maman de Maxime. Faustine en profite pour aller se recueillir sur la tombe de Julien. Pas un jour ne se passe sans qu'elle converse avec lui. Elle le fait grandir en imagination. Ce serait l'année de ses 3 ans. Il doit savoir marcher maintenant. En rentrant à Paris, il s'arrête dans le restaurant d'une cousine de Maxime. Yvette a fait ses classes dans le Périgord. Son fils travaille comme chef pâtissier dans un grand hôtel londonien. Autant dire que les choses de la bouche sont dans la famille depuis longtemps. Ayant été touchée par l'histoire tragique de Faustine et Maxime, sachant qu'ils allaient passer, la charmante cousine a ouvert son restaurant juste pour eux. Seul, au milieu de l'immense salle, il déguste un menu de rêve. Du foie gras truffé au confit, en passant par des vols au vent et toutes sortes d'autres merveilles, poissons, gibier à poils et à plumes, il termine par un nougat glacé dont la recette a été offerte à Yvette par son fils, sous le sceau du secret. Jamais Faustine n'en remangera de meilleur. Retour à la maison et au boulot. Le 1er juillet, la France célèbre en fanfare le début des travaux du tunnel sous la Manche. Le 11, la population mondiale passe le cap des 5 milliards. Dire qu'ils étaient à peine plus de 2 milliards et demi en 1956, année de naissance de Faustine. Fin août, Maxime joue à la Louisiane. Claire, que Faustine n'a plus revue depuis qu'elle a arrêté le programme d'insémination, fait une apparition. Elle a maigri et ne semble pas avoir profité de son récent séjour à Juan-les-Pins. Tout explique quand elle avoue dans un souffle. « Je me suis fait violer dans les toilettes d'un restaurant. »« Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Un géant, planté derrière la porte avec un couteau. « Pas possible, c'est ignoble !» Ouais, personne n'a rien vu, rien entendu. « Si tu savais que j'en ai marre qu'on prenne pour un bout de viande !» Oh ma Claire, ma pauvre Claire, je ne sais pas quoi dire. Dis rien. J'ai essayé de me noyer, mais ça n'a pas marché, je suis trop bonne nageuse. Tu as porté plainte? Même pas. Faustine ne reverra plus jamais son amie Claire, qui, depuis ce jour, ne répond plus au téléphone ni au courrier. Elle a totalement disparu de la circulation. Début septembre, Maxime emmène Faustine au salon des composants électroniques. Le stand Prana, dédié à la compatibilité électromagnétique, y occupe une bonne place. Faustine revoit Jacques, le directeur de la société, avec plaisir. Le courant passe bien. La chaleur, la faconde, la volubilité de cet Arménien expatrié en France sont extraordinaires. Ah, travailler pour lui comme ce serait formidable. Pour l'heure, il faut connaissance, mais qui sait? Fin septembre, Paul et Lynn, leurs anciens propriétaires américains, débarquent à Saint-Rémy. Si Paul, joueur de contrebasse, a écrit plusieurs livres, Lynn, de son côté, est une peintre talentueuse. Ils sont venus visiter Giverny, patrie de Monet. Sitôt qu'ils ont récupéré du décalage horaire, Maxime et Faustine les y emmènent. Il suffit 1h30 depuis Saint-Rémy pour rallier le domaine du grand peintre français. Les jardins sont encore magnifiques pendant l'arrière-saison. Évidemment, Faustine préfère la maison, la salle à manger et surtout la cuisine. On dit que Monet interdisait à sa cuisinière d'œuvrer tant qu'il n'avait pas immortalisé le repas sur la toile. Faustine n'aurait pas apprécié. Lynn est ravie de sa journée. Dans l'atelier reconverti en boutique, elle a trouvé toutes les reproductions dont elle rêvait. 3 petits tours, et puis s'en vont. Le 2 octobre, Faustine reçoit un appel de sa belle-mère. Cette dernière lui demande ce qu'elle doit faire graver à côté de la photo de Julien sur sa petite plaque funéraire. Très vite, Faustine répond. Tu peux écrire « La place des anges est au ciel ». Puis elle raccroche et s'effondre. Elle avait oublié la date de la mort de son fils. Quel choc! Mais quelle sorte de mère est-elle? Elle fond en larmes. Catherine, Colette et Marie-Christine se précipitent. Entre deux hoquets, elle leur raconte une partie de son histoire. Catherine murmure. C'était donc ça? Quoi? Les manches longues pendant le mois de mai. Oui, tu avais remarqué. Je ne suis pas aveugle. Faustine se sent vite réconfortée par tant de solidarité. Malgré tout, son CDD se termine avec le congé maternité de la jeune femme qu'elle remplace. Fin octobre, en quittant Tektronix, elle reçoit une prime de 11 000 francs. « Mouah !» dit-elle en découvrant le chèque. « Ça rapporte presque plus de partir que de rentrer dans cette boîte. »« Tu l'as dit. Et tu as pris des actions aussi, non ?»« Oui, j'ai investi dans quelques actions Suez. »« Va savoir, elles vont peut-être te servir un jour. »« En attendant, j'organise un pot de départ pour vous remercier d'avoir été si chouette avec moi. »« Vous êtes tous invités !»